Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour la rubrique copie non conforme, avec 5 covers et leur version originale que je vous propose de découvrir tout de suite. On commence l'émission de ce mois-ci par un titre de Gun Club, Mother of Earth. La cover est interprétée par les Strasbourgeois de The Aircraft Busters. Leaving and leaving, I can't come back home. dark-eyed friend, I'm recalling you again. Soft voices that speak nothing to me. But yet stay behind the wall. The sadness grows like weeds upon the thighs and knees. Oh, Mother Earth, the wind is hard. I tried my best, but I could not. And my eyes fade for me in this open country. Copie non conforme. En 1973, Ange reprenait « Ces gens-là » de Jacques Brel dans l'album « Le cimetière des Arlequins ». On écoute les deux versions.

chez ces gens-là, monsieur. On ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. Tard, monsieur, il faut que je rentre. Chez moi. Copie non conforme. Un classique d'Iggy Pop, The Passenger, avec la cover de Siouxsie and the Banshees en 1987. Thank you.

Where do they all belong? Oh, Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Say, all the lonely people, where do they all belong? Oh, ah, look at all the lonely people. Oh, ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie weeping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? Say, all the lonely people, where do they all belong? En raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur, je suis dans l'obligation de supprimer la version originale de Eleanor Rigby des Beatles pour que l'émission puisse être diffusée. Excusez-moi de la gêne occasionnée. Copie non conforme. Un autre classique pour terminer l'émission, You Keep Me Hanging On de The Supremes, et cette version live de Vanilla Fudge en 2002. Our legendary rock and roll band who are still as heavy as ever performing the classic You Keep Me Hanging On. Please welcome Vanilla Fudge! Yeah! Thank you. Ça vous a plu? Alors rendez-vous le mois prochain pour la suite des copies non conformes. Salut!